Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. La Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique hebdomadaire des Sables de Robertval. Desjardins, toujours impliqué auprès des jeunes de sa collectivité, souhaite tout le succès possible à son équipe junior 2A. Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Robertval et fier commanditaire de la chronique de l'instructeur-chef, Patrice Gagnon. C'est la chronique des Sabres de Robertval. On fait une journée en retard avec Pat Gagnon. Évidemment, les Sabres, en fin de semaine, étaient au tournoi à Mario Tremblay. Salut, Pat! Salut, Danny. Pat, comment ça a été? Ben, écoute, on a perdu nos trois matchs. OK. C'est sûr qu'on espérait faire mieux en début de tournoi. On est arrivé bien préparé. Puis, lors du premier match, là, on a bien fait ça. On menait 1-0 là, contre finalement ceux qui ont remporté le tournoi, les Sacs de Scutimi, jusque tard en deuxième période. Okay. Puis là, dans le fond, ils ont créé l'égalité. Donc, après deux périodes, c'était 1-1. Puis, dans l'instant, là, d'environ une minute, là, on a donné deux buts en début de troisième. Puis, dans cette rencontre-là, c'est ça qui nous a fait mal. On a perdu 4-1. OK. Fait que c'est ça. Puis ensuite de ça, au deuxième match, ça a été plus difficile. Là. On a perdu 9-1 contre une équipe de l'extérieur. OK. Puis, mais tu sais, je veux dire, c'est pas une équipe qui était plus forte que les SAG ou qui était plus forte que... l'autre équipe qu'on a affrontée également, là, la Fontaine Bellechasse, parce que la Fontaine Bellechasse qu'on a affrontée au troisième match, c'est l'autre équipe là, qui, dans le fond, s'est rendue en finale contre les SAG. Eux autres ont éliminé là, en demi-finale les Marquis de Jonquière là, en prolongation. OK, OK. Fait que c'est ça. Puis le deuxième match, c'est un match où on a bien commencé, là, on travaillait bien dans leur territoire, mais c'est un match à un moment donné qui a mal tourné parce qu'on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Là, c'est le genre de match dans une saison qui peut arriver. Ben là, c'est ça. Ils ont rentré dans notre territoire, ils ont marqué une fois. Puis les deux autres fois qu'ils ont rentré, là, ils ont marqué également. Ça fait qu'ils ont pris rapidement les devants 3-0. Puis on s'est pas remis de ça. Là. OK, OK. Là, en fin de semaine, là, je regarde ça en fin de semaine. Si je me rappelle bien, vous avez congé, c'est ça? Oui, on a congé en fin de semaine, mais si je peux revenir sur le dernier match, ça, qui était quand même pas évident parce que les gars savaient qu'on était éliminés, puis encore une fois, on a bien sorti là, contre le club de l'extérieur. Là, c'était 1-1 après une période. Puis c'était une bonne équipe, mais on a perdu 4-1 là, contre eux autres également. OK, OK. Fait que oui, c'est ça, on est en congé en fin de semaine, là, on n'a aucun match à l'horaire. Là. Nous, il nous reste avant les fêtes, là, un seul match. Ah. Il va être le 15 décembre prochain là, à Scutimi Nord. OK. Donc, ça va faire du bien, j'imagine. On va reposer un petit peu les blessures et ainsi de suite. Est-ce qu'on, là, la période des transactions va s'ouvrir bientôt, c'est ça? Oui, la période des transactions est ouverte depuis longtemps. OK. Ouais. Est-ce que tu as bougé? Est-ce que tu veux faire de quoi? Est-ce que... Ben, nous, on a bougé là, plus tôt en saison. Là, on a échangé le paquet à Samuel Bérubé. Au 5-1 de Scutimi contre en compagnie de François Perron contre le défenseur des 5-1 là, Guillaume Drapeau-Hébert. OK. Puis c'est ouais. OK. Ben est-ce que c'est une transaction évidemment dans quel sens ça a été fait pour ça? Ça a été fait un petit peu pour quelle raison? Est-ce qu'on veut rebâtir? Est-ce que Non, c'est pas une question de rebâtir. Là, Samuel, lui, il était plus avec nous depuis presque un mois là, parce que lui, là, je veux dire, au niveau de notre philosophie, là, il était pas d'accord avec ça. Ça fait que on avait préféré, là, dans le fond, se séparer. Ça fait que il était sur le marché des transactions depuis trois semaines, un mois. Ça fait que nous, on avait attendu d'avoir une bonne offre selon nous. Puis Guillaume Drapeau-Hébert, là, c'est un excellent défenseur des Saguenay de Scutimi. Les autres avaient des besoins en attaque. Okay. Et nous, on avait des besoins défensifs. Donc, on a fait cette transaction-là. OK. Pat, ça fait le tour pour moi pour cette semaine? Oui, cette semaine. Puis, est-ce que tu veux qu'on se parle quand même la semaine prochaine? Ben, même, si y a pas de... Ouais, ben si t'as rien à dire, on va se reprendre dans deux semaines au PLI. Oui, c'est bien correct. OK, on va se donner rendez-vous dans deux semaines. Voilà, donc c'était l'instructeur-chef des Sabres de Robertval, Patrice Gagnon.